une histoire particulière. Dans l'épisode d'hier, nous n'avions pas besoin de boire la fameuse liqueur de Grand Marnier pour nous délecter de l'histoire de Nauphle-le-Château. À la fin des années 50, il fut le lieu de vie privilégié de Marguerite Duras. C'est une grande maison à l'entrée du village, une maison à elle, infiniment la sienne. Elle y fait de grandes fêtes, elle y cuisine, elle en connaît tous les recoins. Elle dit aussi que toutes les femmes de ses livres ont habité cette maison. Sur la place, au Café des Sports, il y a son portrait. On se souvient d'une petite dame qui faisait son marché. C'est émouvant et sa voix est toujours aussi envoûtante. Aujourd'hui, retour à Nauphle-le-Château, où en 1978, le village a accueilli un autre habitant que l'on n'attendait pas. Il faut presque sortir du village et s'approcher. Oui, venez, c'est par là, ici, près du verger en friche. Ingrid, vous avez habité le bas de Nauphle-le-Château, où Marguerite Duras venait vous voir aussi, chez vous. Et on est le bas de Nauphle-le-Château, c'est aussi tout près de la route de Chevreuse et de Pontchartrain, où l'ayatollah Khomeini s'était installé. Oui, je me souviens très bien, parce qu'il y avait des carentiers qui arrivaient d'Allemagne en pèlerinage pour voir Khomeini. Et puis tout le monde descendait la côte pour aller voir la tente où Khomeini faisait la prière. Et puis même mon petit garçon qui avait 9 ans et qui était tout blond, alors descendait, mettait un bonnet et rentrait dans la tente. Et on lui disait « Pourquoi tu mets un bonnet ?» Il disait « Mais je ne peux pas l'enlever parce qu'il avait les cheveux tout blonds et il avait peur, il n'y avait que des gens qui étaient tout bruns. » Les fantômes de Nauphle-le-Château par Clémence Alzard et François Test. Aujourd'hui, l'ayatollah sous le pommier. En face, là-bas, sur la maison au volet bleu, il y a quelque chose qui a changé. Avant, il y avait un chat sur le toit. Mais ils ont changé les tuiles et maintenant le chat glisse, alors il n'y va plus. Où est-ce qu'on est, la Rufus ? Ben, on est au bar des sports, au Café des Sports à Nauphle-le-Château, et la maison dont je vous parle est juste en face, de l'autre côté. Vous habitez ici, vous faites partie, finalement, Rufus, de ces illustres administrés de Nauphle-le-Château. Vous avez connu Marguerite Duras et Khomeini ? Marguerite Duras, elle a une maison juste en face de l'école, donc je voyais bien cette maison depuis longtemps. Très belle maison, à côté d'une mare où il y avait des poissons. Et puis à un moment donné, je crois que les enfants ont pêché les poissons de Marguerite Duras. Et ça a commencé à être... Ah oui, puis pourquoi l'ayatollah Khomeini débarque ici et d'ici, il menace le pays, l'Iran tout entier? Bizarre. Pourquoi Giscard d'Estaing l'installe ici? Est-ce qu'il l'installe vraiment ici? À Téhéran, il y a une rue Nauphle-le-Château. À Nauphle, une plaque commémorative en français et en farsi dans un verger en friche. Plus de 5000 km séparent pourtant la capitale iranienne de la petite et cossue bourgade des Yvelines. De prime abord, difficile d'imaginer entre les deux localités une communauté de destin. Pourtant, c'est ici que s'est fabriqué l'Iran contemporain. Là, route de Chevreuse, le long de la vallée, au pied de la forêt Sainte-Apolline, que 20 ans après Marguerite Duras, l'ayatollah Khomeini s'établit. Le 6 octobre 1978, il foule le sol français sans encombre. Nul besoin de visa à l'époque pour un citoyen iranien. Mais il semble bien que cet inopiné exil révolutionnaire ait un peu stupéfié les Naufléens, édiles locales compris. Monsieur Golvan, vous étiez maire adjoint à l'époque. Oui. J'ai été surpris de savoir qu'il était là, car nous étions partis nous promener un dimanche après-midi, je crois, c'est ça. Et nous rencontrons des gendarmes sur la rue de... au Palais Sablon, route de Chevreuse au Sablon. Et là, il y avait deux gendarmes. Et de ma fonction de maire adjoint, je leur demande qu'est-ce qu'il y a. Il y a un problème à Naufle. Il me dit non, on ne sait pas. Opération de routine. Opération de routine, on ne sait rien du tout. On est là. Donc, je suis rentré chez moi. Et dans la semaine, lundi, mardi ou mercredi, je ne sais plus quel jour, je me suis renseigné à la mairie. Et là, j'ai su que l'ayatollah avait débarqué le dimanche soir, et qu'il avait été conduit dans une maison qui appartenait à une personne de Naufle qui avait des relations avec des Iraniens. Je ne la connais pas, je ne connais pas son nom, je n'ai jamais voulu savoir qui c'était. Abolhassan Bani Sadr, vous avez été le premier président de la République islamique d'Iran, c'était en 1980, mais avant cela, le 6 octobre 1978, vous êtes à l'aéroport d'Orly et vous faites partie du comité d'accueil de Roménie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment, cette arrivée en France de Roménie ? L'office de M. Khomeini m'a téléphoné et il m'a dit que préparait un appartement, un habitat pour M. Khomeini. Nous arriverons demain. Un ami, M. Razan Farpour, avait loué un appartement à côté de moi à Cachan. Je lui ai demandé d'évacuer pour recueillir M. Khomeini. Bon, on est allé à l'aéroport, on est monté dans la voiture, on est venu à Cachan. Bon, il y avait deux avocats aussi à l'aéroport pour le cas où on empêcherait M. Khomeini d'entrer en France. Mais non, il n'y avait pas d'empêchement. Alors, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait pour visiter M. Khomeini, et ça gênait les voisins. Alors, un ami iranien, M. Ashkari, son épouse, avait un villa, je pense, à Neuf-le-Château. Il a proposé ce villa, M. Khomeini a accepté, il est allé à Neuf-le-Château. Naufle-le-Château, 1558 habitants, un petit village de la banlieue ouest de Paris. Un petit village comme tant d'autres, plutôt joli et agréable. Un village qui est devenu un peu par hasard la capitale de l'opposition iranienne. On passe l'église, on descend dans la vallée et on arrive devant un petit pavillon d'apparence ordinaire s'il n'y avait devant la porte d'entrée deux gendarmes armés de mitraillettes. Autre élément étrange dans ce décor, des dizaines de voitures venues d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, les voitures des pèlerins. Dans ce cadre d'une banalité presque affligeante, l'ayatollah Khomeini partage son temps entre les prières et les audiences qu'il accorde aux fidèles. Le grand moment de la journée est sans conteste la prière de 13 heures. Sous un pommier, dans le jardin, on place une toile cirée en guise de tapis. C'est là que tous les jours, 50 ou 60 Iraniens se livrent à leur dévotion avec ferveur. Vous, depuis la France déjà, vous organisez, vous fédérez une opposition politique au Shah. Je crois que c'est à votre initiative que Jean-Paul Sartre va présider après le comité pour la libération des prisonniers politiques en Iran. Donc, depuis la France, quand même, s'organise une opposition politique au Shah d'Iran. C'est ça, oui. Vous savez, de notre avis, Paris était une ville de rencontres où passaient tous les mouvements d'idées dans le monde. Si M. Khomeini, par exemple, il allait à Londres ou à une autre capitale, je ne crois pas qu'il pouvait trouver un tel écho à l'échelle du monde. Au départ, il n'avait qu'une maison. Françoise Golvan. Et après, il a loué celle en face, parce que dans la religion, on fait des prières à un endroit et on dort ou on vit dans un autre endroit. Alors, de temps en temps, il y avait sous protection, bien sûr, il se déplaçait d'une maison à l'autre. Et bon, bah, les riverains, je comprends que quand ils voulaient rentrer chez eux, ça dérangeait un petit peu quand même. Hein. Surtout, on savait pas combien de temps ça allait durer, quoi. Ouais. Alors, entre les journalistes et les gendarmes, c'était pas très vivable. Hein. Quand vous étiez, vous, Bani Sadre, à Nofle-Château, aux côtés de Roméni, est-ce qu'il vous est arrivé de discuter avec lui du lieu en tant que tel, de ce village des Yvelines? Est-ce que ça a déjà été un sujet? Non. Son fils est venu une fois me dire que, vous savez, à Najaf aussi, on vivait dans une ville sans arbres. Chercher quelque part qu'il y a des arbres, tout ça. Parce qu'il y a plusieurs légendes autour de cette arrivée. Il y a beaucoup de mystères en réalité. Donc il y a cette Colette, donc l'épouse peut-être de Monsieur Ascari. Il y a donc les arbres. Là, on est dans un endroit arboré. Et puis il y a une autre rumeur peut-être qui est que si on a choisi aussi cet endroit-là, c'est parce qu'il y avait des toilettes turques. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Non. On a fait pour Monsieur Khomeini. Non, parce qu'il y avait, non, il n'y avait pas, mais on a fait. Ah, vous les avez construites? Moi, non, les gens qui étaient là-bas, ils organisaient tout ça. Oui, ils les préparaient. Même on dit qu'il a quitté, il avait hâte de quitter la France à cause de cela. À cause des toilettes à l'occidentale. La création d'un État islamique est très proche. Le gouvernement Bakhtiar est illégal. Je formerai dans quelques jours un gouvernement. Ces déclarations de l'ayatollah Khomeini pendant le week-end indiquent très nettement que c'est bien de Nofle-le-Château que se fait la politique iranienne en ce moment. Car ce matin encore, Yves Boisseau, les œillets fleurissent au canon des fusils et les portraits de l'ayatollah sont de plus en plus nombreux à être collés sur les camions militaires. Oui, c'est une situation complètement surréaliste que celle que nous vivons ici à Téhéran, Gilbert Benoyan. Et on a effectivement, comme vous venez de le dire, l'impression que la seule personne qui dirige le pays actuellement se trouve à Nofle-le-Château. D'ailleurs, écoutez ce document. Cette voix que vous avez entendue peut-être un peu faiblement, c'est celle de l'ayatollah Khomeini qui quotidiennement donne ses instructions par téléphone à la population. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les seules liaisons téléphoniques qui continuent à fonctionner sont celles qui existent justement entre Paris et Téhéran. Toutes les autres communications sont coupées. Alors, quotidiennement, les responsables chiites enregistrent sur cassette les ordres qui viennent de France. Ils recopient cette cassette à des centaines d'exemplaires qui immédiatement sont distribués à travers tout l'Iran. Voilà comment les choses se passent. Michel Naoufel, journaliste. Nofle-Château, si je me souviens bien, était devenu comme un centre de rassemblement de beaucoup de journalistes venus des quatre coins du monde, des Américains, des Espagnols, des Latino-Américains, etc. Et il y avait vraiment une effervescence. Ça grouillait tout le temps, c'était comme un laboratoire. Et pour nous tous, c'était un grand scoop, parce que cette révolution était vue à l'époque dans la lignée des grandes révolutions bolcheviques, chinoises, vietnamiennes, etc. Donc il y avait ce côté mouvement de libération. Khomeini, de temps en temps, sortait de la maison et il se mettait dans le jardin, sous le pommier. Et tout autour, il y avait les journalistes, les étudiants qui venaient de Paris, beaucoup d'étudiants du Moyen-Orient, iraniens, et ils discutaient avec lui. Il y avait une atmosphère très intéressante, très, je dirais, très dynamique, et aussi où il y avait un certain mysticisme, une certaine dimension spirituelle. Oui, là, il est sous la tente. Oui. Donc, ce sont des pèlerins, là, à la porte, avec les envois les gendarmes derrière. Là, l'ayatollah qui rentre dans la maison où il dormait. Là, donc, des musulmans en train de prier. Et c'est en allemand. Oui, il y avait beaucoup d'Allemands, d'Iraniens allemands. La tête sympathique de l'ayatollah. Ben, le voilà là aussi. Corinne Briet. Pour nous, c'était, on était contents d'être là, enfin de se dire, ah ben quand même, on a vécu quelque chose, on a vu un homme intéressant, parce que on a vu quelqu'un, et on le voyait traverser tous les jours, parce qu'il allait coucher en face après. Ils avaient une maison, ils allaient coucher en face. Donc, ce qui veut dire que lui, il dormait à Pontchartrain en réalité. Exactement, il dormait à Pontchartrain. Il a fait la révolution à Nôfle, mais il dormait à Pontchartrain. Vous, Benissa, vous vous rendez souvent à Nôfle-le-Château entre octobre 78 et janvier, fin janvier 79. À Nôfle-le-Château tous les jours. Chaque fois que M. Roméni avait besoin de faire un discours, chaque jour, il y avait des journalistes qui posait des questions. J'étais membre de la commission qui préparait les réponses. Donc je devais y être. Donc vous avez passé beaucoup de temps dans ce village des Yvelines. Est-ce que vous vous souvenez d'échanges avec des Nofléens sur place? Non. Avec les journalistes, oui, beaucoup. Mais avec les gens de Nofle-Château, non. On racontait qu'il avait eu le téléphone en 3 jours, alors qu'à notre époque, à cette époque-là d'ailleurs, il fallait au moins 3 mois, sinon plus, pour avoir une ligne téléphonique. Bon, c'est vrai que c'était il y a longtemps. Et donc, j'habitais donc à 1 kilomètre de ma maison maternelle, où mes parents habitaient encore. Et mes parents étaient très malades, surtout ma mère. Donc je montais à chaque repas ou le soir pour préparer. Et un jour, j'avais une petite voiture, j'étais très fière, j'avais une petite R5 bleu, vert métallisé. Il était 6h du soir à peu près. Je monte et tout d'un coup, je vois un espèce de truc blanc au milieu de la route. Je freine brutalement et tout d'un coup, ma voiture est envahie de gens hurlant une langue que je ne connaissais pas, à mi-chemin, à mi-parcours sur la route de Chevreuse. Et j'ai eu très très très peur. Et là, j'ai vu un monsieur, le reste était blanc, mais je n'ai vu que la barbe. Et j'ai un souvenir assez angoissant, parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui criaient en disant, je ne sais pas ce qu'ils disaient d'ailleurs, mais j'ai eu très peur. Vous avez failli écraser l'ayatollah Roméni en réalité, Corinne Briet. Mais oui, j'ai vraiment failli l'écraser. Et ils allaient faire les courses. On disait qu'ils n'achetaient que des oignons, qu'ils n'étaient pas très, c'était pas très rentable de les avoir commercialement, parce qu'ils achetaient beaucoup d'oignons, du pain et du riz. Voilà, je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Ma fille avait une amie qui habitait juste à côté, une petite amie, elles avaient 11 ans. Et ça se passait très très bien. Et à la fin, quand ils sont partis, ils ont offert à tout le monde des pistaches, et, je sais plus, des pommes ou je sais pas, des pâtisseries. Et tout le monde, non, ça s'est très bien passé dans le coin, je dois dire. Il n'y a pas eu de problème du tout. Rufus, vous habitez dans cette rue qu'on appelle la Grimpette, c'est cela? Oui. Donc tout près de cette route de Chevreuse où allogeait Roméni. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes de garnison qui étaient devant chez moi jour et nuit et me demandaient mes papiers à chaque fois que je rentrais du théâtre le soir. Ouais. Ah oui, parce qu'eux ils changeaient, moi je ne changeais pas, mais donc ils voulaient toujours savoir qui j'étais quoi, et pourquoi je rentrais à cette heure-ci. Moi j'habitais en face d'un journaliste et un jour la fille du journaliste me dit les confrères de mon père viennent très souvent demander où est la maison de l'ayatollah. Et alors, à chaque fois, on leur dit, bah, c'est la maison qui est en bas, là-bas. Elle me dit, mais moi, j'y ai jamais été. Je dis, bah, tu veux, je t'emmène, hein, on y va. Hein. Voilà ce qu'on va faire. On va apporter la dernière rose de mon jardin en hommage au noble étranger. Et donc, je cueille la rose. On descend la rue de la Gouttière. On arrive jusqu'à cette petite maison. Et là, on voit un homme... habillé à l'occidental, qui s'est avéré par la suite être Godzadeh. Et je lui dis, voilà, nous sommes d'humbles voisins et en hommage au noble étranger, nous apportons la dernière rose de mon jardin. Et donc, il traduit ça en iranien. Et je remarque que cet homme a un regard très fort, que j'avais déjà remarqué chez Samuel Beckett, hein. C'est un regard très animé, quoi, très... Bon, alors, je crois qu'ils échangent un peu quelques phrases tous les deux, puis c'est tout. On me raccompagne, on me fait un présent. Non, mais c'est fou, parce que c'était vraiment... Très sincèrement, la visite avait ce projet-là, quoi. Mais elle avait un autre projet secret, c'est que j'avais, pour cette jeune fille, fait un exploit de chevalier, et par la suite cette jeune fille est devenue ma femme et m'a fait deux enfants. Et voilà, donc ensuite on est sorti, donc on nous a Godzadeh nous a offert nous a rattrapé pour nous donner ce présent. Donc c'était des loukoum avec du très bon, des loukoum et des enfants. Allégresse en Iran, allégresse aussi à Nofle-le-Château, tout près de Paris, lorsque les partisans de l'ayatollah Khomeini ont appris juste avant midi par la radio le départ du Shah. Pour nous, le départ du Shah n'est qu'une première étape. Il reste devant nous de nombreuses difficultés. Notre peuple doit savoir que le départ du Shah n'est pas une victoire, c'est le prélude d'une victoire. Je félicite le peuple iranien plus d'avoir obtenu l'élimination du pouvoir étranger en Iran que d'avoir obtenu le départ du Shah. Vous voulez que je vous parle de mon tableau, alors ? Ben oui, est-ce que vous voulez nous le décrire, peut-être, déjà ? Oui, alors on voit évidemment en premier plan le visage de l'ayatollah. Serge Brier. Avec des yeux assez fascinants, assez hypnotiques. Et puis, le tableau est divisé en deux. Il y a une partie qui est toute verte, avec une tente. C'est le côté Nofle-le-Château. Et puis, de l'autre côté, il y a le désert... Le sable jaune et les puits de pétrole en rouge comme le feu qui l'a peut-être un peu allumé. Puis dans le côté donc Nofle-le-Château, il y a sa tente sur laquelle il y avait marqué « Mieux vaut mourir que subir l'humiliation ». Et ça avait frappé beaucoup les gens, évidemment. Hein. À l'époque, le Shah, c'était l'horreur, c'était le dictateur avec sa police politique... l'argent qu'il dépensait sans compter pour les fêtes de Persépolis, etc. Et puis, alors que lui, il donnait l'impression d'être un homme intègre, injuste, quoi. Alors en plus, on rencontrait des Iraniens sur la route qui venaient. Il y avait des centaines de gens qui venaient le voir dans son jardin de Nofle. On leur disait, mais c'est qui cet ayatollah et tout. Et ils nous disaient, bah, pour nous, c'est notre pape, quoi. C'est notre Et eux, ils savaient déjà, les Iraniens, ils savaient que ça allait réussir, quoi. Alors que la presse française, à l'époque, n'était pas sûre. Alors Corinne, c'est où que vous avez failli écraser l'ayatollah ? Alors je vais vous montrer exactement. Voilà, vous allez voir. Voilà l'endroit, la maison. Voilà, le terrain là. La maison qui n'existe plus, vous voyez, vous pouvez voir, regardez. Et la victoire, voilà. La maison était là-bas. Et la tente était là. D'ailleurs, on dirait qu'il y a une tente qui est mise à côté, là, un peu. Il y avait une tente magnifique, c'était très grand. Et voilà, et il y avait, je ne sais pas où était le pommier. Là, il y a un pommier. Vous voyez le pommier là, qui est à moitié mort? Voilà, c'était là, il était là-dessous. Et là, alors il traversait là, en biais, comme ça, toc, comme ça, vers la maison qui maintenant a des volets bleus, la petite maison ravissante de Marie-Claire. Et voilà, et c'est là où j'étais, et j'ai failli l'écraser. Il y a eu des pèlerinages, des gens qui venaient là prier où était passé l'ayatollah. Et puis après, ce qui est arrivé, bon, c'était les incendies, c'est-à-dire que la maison a été saccagée et brûlée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ça, on ne sait pas du tout non plus, mais enfin, ce sont des gens qui étaient contre l'ayatollah. Elle a été dynamitée, elle est, oui, elle est rasée. Elle est... Et de toute façon, actuellement, c'est un terrain vague, il n'y a plus rien du tout. Ce panneau là, alors on voit l'ayatollah d'un côté, un texte en français qui nous dit pourquoi il était là, et puis un texte en iranien. Et je peux vous lire. Alors, le nom de Naufle Château est enregistré à jamais dans l'histoire des relations franco-iraniennes. Le peuple iranien se rappellera toujours de l'hospitalité du peuple français et de l'accueil qui a été réservé à l'imam Khomeini, guide suprême de la révolution islamique et fondateur de la République islamique d'Iran. Au cours de son séjour de 4 mois, l'imam Khomeini, en poursuivant sa lutte par le biais de discours, d'interviews et d'enregistrements sonores, a guidé la révolution islamique en Iran, et le 11 février 1979, 10 jours après son retour triomphal à Téhéran, le monde entier fut témoin de la victoire de la révolution islamique en Iran. Alors, la maison de l'ayatollah Khomeini, on n'en a plus que quelques traces, puisque vous l'avez vous-même visitée. Qu'est-ce qu'on voit? Un jardin, de l'herbe, des barrières, je dirais, autour. Et donc, cette maison n'existe plus. Elle est là par son absence. Et ce qui était intriguant au début avec mon époux, il y a 10 ans, un dimanche matin, on sort, il y avait des CRS, mais partout, partout, il devait y avoir 80 CRS, des chiens loups, on devinait des flics en civil, il y avait de la télé, mais il y avait une agitation, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'était la manifestation annuelle, je ne sais pas si on vous en a parlé, d'hommage à l'ayatollah Khomeini. Donc, avec des Iraniens qui viennent faire de la soupe, faire tout un tas de petites fêtes qui rendent hommage, c'est assez étonnant. Et donc, la maison de l'ayatollah Khomeini, elle est présente à ce moment-là, mais pas par elle-même, par les gens comme ça qui viennent dessiner autour. Vous voyez, on est vraiment réunis autour d'une absence puisqu'elle a disparu. Ça, c'est marrant. Et puis, la maison de Duras, elle est là, mais elle est silencieuse, elle est muette. Elle ne bouge pas, on tourne autour, on peut pas de rentrer dedans. Donc elle aussi, elle est là, elle est présente aussi par une forme d'absence, une autre. Mais oui, j'ai envie de vous dire que vous vous intéressez, c'est peut-être pas très gentil, mais c'est pas faux, aux fantômes. Ce sont des présences pour moi fantomatiques. Actuellement, ça peut changer. C'était les fantômes de Naufle-le-Château. Aujourd'hui, l'ayatollah sous le pommier. Avec Ingrid Terme, Rufus, Jean et Françoise Golvan, Abolhassan Benissadr, Corinne et Serge Brier, Michel Naoufel et Françoise Cargemel. Archivina Sandra Escamez. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Clément Salzar et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres récits et d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Regardez vos chaussures, de quelle couleur sont vos lacets? Mais c'est une autre histoire.